Le 14, les acrobates coréens ont regagné le pays après avoir participé au 10e Festival international du cirque Ijevsk, tenu du 3 au 8 mars à la ville d'Ijevsk de la République d'Urmoussi de la Fédération de Russie. Au festival ont été figurés les acrobates célèbres de 14 pays, notamment la Corée, la Russie, la Chine, la Mongolie, l'Ukraine, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le comité d'organisation du festival a décerné le prix spécial à l'acrobatie physique coréenne vol multiple.